Je sais plus combien on est. 24 août. 24 août, autrement dit, on est bientôt à la fin du mois. On va pouvoir toucher nos retraites. Plaisanterie. Mais c'est une parenthèse que je fais simplement. On va démarrer cette émission d'aujourd'hui avec Joël Dulac, un accordéoniste qu'on n'entend pas souvent sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, je dirais même rarement. Et le premier morceau s'intitule « Vas-y, Joël ». Avec Joël Dulac, la tournée des Guinguettes. Avec Natacha Saint-Pierre, Santa Maria. Santa Maria. aventure avec Jacques Dulac. On va écouter maintenant Carlo Cotti qui nous interprète Du soleil sur la route. Du soleil sur la route, des chansons que notre cœur écoute, des joies suprêmes, on dit je t'aime, c'est un si joli poème, des fleurs nouvelles, toujours plus belles, qu'on voudrait cueillir pour les offrir, des baisers que l'on prend au passage, de l'amour dans le ciel sans nuages. Le printemps nous enivre, il fait si bon vivre et l'on a 20 ans. C'est à l'auberge de la jeunesse que le dimanche on a rendez-vous. Si ce point joyeux vous intéresse, venez en faire un tour avec nous. Afin d'embellir que la vie, ceci ne vous encombrait pas. Car pour le grand air et les plaisirs et les folies, nous avons bien mieux. Sur la route, des chansons que notre cœur écoute, des joies suprêmes, on dit je t'aime, c'est un si joli poème, des fleurs nouvelles, toujours plus belles, on voudrait cueillir pour les offrir, des baisers que l'on prend au passage, de l'amour dans le ciel sans nuages. Le printemps nous enivre, il fait si bon vivre et l'on a 20 continue en musique et en chanson et en histoire. Alors on va laisser la place à Jacques Baudouin, chansonnier, humoriste et imitateur. Voilà, on va donc Jacques Baudouin que voici. Je ne sais pas, mesdames et messieurs, si vous arrive de lire dans certains magazines spécialisés les articles que l'on consacre à la vie et à la carrière des grandes vedettes du Tour de Chant. J'espère que oui, parce que c'est de la fort belle littérature, ça. Le chapitre des débuts, surtout. Vous savez, quand on demande à ces messieurs dames comment leur est venu le goût du chant, alors là, on se vautre dans le sensationnel. Celui-ci vous raconte, par exemple, que c'est parce qu'une nuit, il a vu en rêve cinq Ocatrix au pied de son lit, n'est-ce pas? Cinq Ocatrix lui a dit « Lève-toi et chante », et ce couillon-là l'a fait, n'est-ce pas? Ou alors cet autre vous raconte que c'est parce qu'il s'était présenté aux élections législatives, il avait obtenu une voix et comme il savait pas quoi en foutre, il s'en était servi pour chanter. Foutaise et baliverne, je crois de mon devoir de vous dire que ce n'est pas la vérité, vous savez. La vérité est à la fois plus simple et plus grandiose, la vérité c'est que ces gens-là se sont aperçus qu'ils chantaient tout simplement parce que, comme vous et moi, ils chantent le matin en faisant leur toilette. La vérité c'est qu'il y a en France, à l'heure matinale de la toilette, des bataillons entiers de talents méconnus qui la brosse à dents au point martyrise tous les répertoires dans la clameur des lavabos qui se vident. La vérité, c'est que la chanson française doit beaucoup à l'industrie du sanitaire. Mais oui, tenez, prenons par exemple le cas de M. Tino Rossi. Vous savez que la plus grande partie de la carrière de M. Tino Rossi s'est déroulée sous le signe de la guitare. Bon, or il y a, dans toute installation sanitaire digne de ce nom, un instrument, n'est-ce pas, un meuble, qui évoque assez curieusement la forme de la guitare. Non, mais je vous en prie, n'allez pas vous représenter M. Tino Rossi dans une chevauchée fantastique, n'est-ce pas? Non, c'est... D'ailleurs, lui, il ne s'en servait que pour se laver les pieds, n'est-ce pas? Oui. On n'arrête pas le progrès, n'est-ce pas? Il s'asseyait sur une chaise, il retroussait le bas de son petit pantalon, et c'est en faisant longuement mariner ses arpions dans l'eau chaude qu'il découvrait l'inspiration. Et de cette époque extrêmement cérébrale, comme presque toute l'œuvre de M. Tino Rossi d'ailleurs, j'ai réussi à transcrire les paroles et la musique d'un ravissant poème symphonique que M. Tino Rossi va se faire un plaisir de vous présenter maintenant avec l'élégance merveilleuse, la suprême santé qu'il caractérise. Bon. Alors voici le tango du petit arpion, ou si vous préférez, parce que moi je m'en fous, la légende du gros orteil. Allons-y, parti. Un petit arpion célibataire, dans le godillot d'un militaire, soupirait encore après l'amour, qu'il espérait bien connaître un jour. Mais vous n'en croirez plus vos oreilles, si je vous dis que le gros orteil, qui jouait un peu les durions, faisait la gueule à l'arpion. Flic, flic, floc, remue tes pinceaux, attention ton froc va tremper dans l'eau. Il restera trois doigts de s'aimer, et ça dure depuis l'éternité. Le petit arpion négligea son corps, et le gros orteil grossit encore. La moralité de tout ceci, c'est que les doigts de pied, mes amis, ne s'entendront jamais, c'est certain, comme les doigts de la main. Flic, flic, floc, remue tes pinceaux, attention ton froc va tromper. Ça y est, j'ai gagné, moi, ben. Je vais me faire engueuler par ma femme, hein. Tant pis, hein. Dans l'eau. D'ailleurs, vous savez que, sinon prenons le cas de M. André Dassary, c'est également une explication sanitaire qui nous guette. C'est que, dans le cas de M. Dassary, on s'est longtemps demandé où il avait bien pu aller chercher cette voix si curieuse, qui évoque par moments assez bien les cris d'effroi d'une chèvre lancée à 80 km à l'heure sur les pavés du Nord. Je crois qu'on a une petite coupure. Non pas une coupure de courant, mais une coupure de micro. Eh bien, on reprendra ça tout à l'heure, à moins que... À moins que rien. On va écouter, puisque c'est ainsi, Gianni Franco, qui rend hommage à Tino Rossi, c'est tout à fait différent. C'est notre ami Tino Rossi. On Et puis un jour le but nous a quittés. Pourquoi nous avons tous pleuré. Mais les souvenirs de ta mémoire resteront gravés dans notre histoire. Au Tino Combe, oublié 50 années à nos côtés. Lorsqu'un jour tous les deux nous serons dans notre jolie maisonnette, chaque soir pour toi je chanterai. J'ai retrouvé notre ami Jacques Bourdouin. Il me semble, je ne suis pas affirmatif, mais je crois. Une petite chose très secrète et qu'il garde tout au fond de son cœur et qui est un lavabo. Un petit lavabo de province qu'il a connu dans un hôtel d'artiste à Bordeaux. Un petit lavabo dans lequel il faisait tout, enfin la cuisine, la lessive, les œufs durs. Ça. Alors voici un petit fandango sanitaire. qui s'intitule Lavabi Lavabo. Lavabi Lavabo, c'était toi le plus beau avec ton robinet, sentiment nickelé. Lorsque tu gargouillais, moi te focalisais, ça faisait tellement Lavabi Lavabo. J'ai trempé ma saucette, j'y lavais mon assiette, des déchoux, des joues, et des jouettes. Quand j'irai la sénette pour vider la cuvette, tu t'en des bouettes, bouettes, bouettes, bouettes, bouettes, bouettes. Pour la petite histoire, tout le monde doit savoir qu'aujourd'hui j'ai rempli les baignoires. C'est grâce à mon petit Ça n'était qu'une ruse de guerre, n'est-ce pas? J'avais bien l'intention de revenir, d'ailleurs. Et pour vous parler d'un chanteur que j'aurais bien voulu garder, pour la bonne douche, si j'ose dire, je veux parler de M. Charles Aznavour. Bon, là, il y en a qui vont être vexés, évidemment. Car c'est en prenant une douche un peu fraîche que M. Charles Aznavour a contracté non seulement cet enrouement légendaire, mais aussi et surtout cette habitude du frisson. Parce que M. Aznavour, c'est ça surtout, n'est-ce pas? C'est l'empereur du frisson. C'est le pape du tais-toi, tu m'affoles. C'est le roi du chéri, graffille-moi, fais-moi peur. Ah. Moi, je verrais très bien la carte de visite de M. Aznavour ainsi conçue. M. Charles Aznavour, prince de la petite mort, ambassadeur de trans extraordinaire, président directeur général d'une société à responsabilité extrêmement limitée, mais qui porte comme raison sociale la chair de poule. J'ai la chair de poule quand je prends ma douche, mes amis. C'est comme une houle, comme une houle qui braille. Oui, oui, oui, oui. Ce n'est d'abord qu'une chatouille dans une muscle perdue et qui se transforme en pavoule. Un truc à devenir tordu, ma grosse lulu. Alors je vois se dresser d'un seul coup tous mes poils, tous mes poils sont. Regardez-vous toucher est un peu comme si ma vie se multiplie par milliers, mon gros bébé. Cupidon lui-même n'aurait jamais su me donner ce granité de l'épiderme qui est l'appanage du poulet. Cote, cote, cote. J'ai la chair de poule, une attraction exceptionnelle qui fait courir les foules et m'assure même à dire rien. Je voudrais enfin, pour terminer, vous dire deux mots, et rassurez-vous, je choisirai le moindre, de M. Dario Moreno. Oui, ça, bien sûr, c'est un cas pratiquement désespéré, n'est-ce pas? Quand on voit pour la première fois sur une scène cette bonne bouteille d'huile, ce qui surprend le plus, en dehors de son accent sud-américain du Bosphore, si on admet bien entendu que le Bosphore a brusquement glissé sur l'Argentine, ce qui surprend le plus, c'est l'extrême délicatesse de sa tenue. On s'est longtemps demandé où il avait bien pu aller chercher cette chorégraphie si subtile qui tient à la fois du réveil musculaire et de travail à la mouquère. Eh bien, monsieur Dario Moreno m'a avoué que c'est en essayant de rattraper une savonnette qui lui glissait sans cesse des doigts qu'il a découvert le secret des lignes harmonieuses qui l'animent pendant l'expression de son art. Son élégance naturelle a fait le reste et j'ai consigné ses aveux dans un procès verbal en forme de tcha tcha tcha. J'avance, pleine de prudence, puis je m'élance sur le carreau. Et quelle auvergne, la poêle la mienne, sur ma bedaine, j'ai pas trop d'eau. Mais voilà qu'elle glisse, doucement vers ma cuisse, et cette grosse bulle qui me la dissimule. Ainsi je mets le pied dessus, je vais me retrouver sur le Chien-cré-chien-lion, bride, savonnette, j'en perds la tête, et mes fossettes, mais dans le fond, je t'en veux pas, ma poulette, un bisou, je te dois de savoir le pain, et du tchin-tchin-tchin. Arc-en-ciel, 96.2. La FM en couleur. Et on continue sur la FM en couleur avec Monsieur André. Non, Darcelis, pardon. Je pensais à André Dassary parce que j'écoutais tout à l'heure Jacques Bourdois. Darcelis, et ce sera sur le plancher des vaches. Sa mère bleue, le Marseillais l'adore. Mais pourquoi cacherait-on aussi qu'il aime, eh oui, le plancher des vaches? On est heureux comme des poissons dans l'eau, sur le plancher des vaches. On peut guincher dans tous les caboulots, sur le plancher des vaches. Le vin, les femmes, on a tout ça, mais oui, madame, sur ce plancher-là, c'est presque un amiral le matelot sur le plancher des vaches. Quand du poste de vigie, on crie terre à bâbord, le marin, l'âme ravive, se croit déjà au port. Il n'a plus qu'une pensée, tirer une bordée. Il n'a plus que cette idée, joyeux, il chante alors. On est heureux comme des poissons dans l'eau, sur le plancher des vaches. On peut gâcher dans tous les caboulots, sur le plancher des vaches. Le vin, les femmes, on a tout ça, mais oui, madame, sur ce plancher-là, c'est presque un amiral le matelot, sur le plancher des vaches. On a tout ça, mais oui madame, sur ce plancher là, c'est presque un amiral le matelot, sur le plancher des vaches. Miette, Miette, toi si joliette, j'aime tes yeux où resplendit l'éclat du soleil du midi. Mamie jolie, toi ma raison et ma folie, mon cœur t'appartient pour toujours, Miette mes amours. Miette, tu vendais tes violettes, quand je t'ai connue, souviens-toi. Modeste comme tes fleurs simplettes, ta grâce me mit en émoi. Et depuis cet instant, je chante en te voyant. Miette, Miette, toi si joliette, j'aime tes yeux où resplendit l'éclat du soleil du midi. Jolie, toi ma raison et ma folie, mon cœur t'appartient pour toujours, Miette, mes amours. Et bien après Miette par Darcelis, on continue avec l'escapade en Touraine et notre ami Manu Blanchet. Yannick Puzot, Libréen et Manu Blanchet. Les châteaux de la Loire nous racontent une histoire. Venez la découvrir en Touraine. Corvoisa, Villandry, Chamborouche, Verny, la beauté des lieux nous ensorcelle. Escapade en Touraine où j'ai trouvé l'amour, escapade en Touraine, j'y reviendrai toujours. Des heures ou des semaines, mon cœur y a craqué. Escapade en Touraine, jamais je n'oublierai. Musique. Après le corps de chasse, on retrouve notre ami Darsalis, le plus beau tango du monde. Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé dans vos bras. J'ai connu d'autres tangos à la ronde, mais mon cœur n'oubliera pas celui-là. Son souvenir me poursuit jour et nuit, et partout je ne pense qu'à lui, car il m'a fait connaître l'amour pour toujours. Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé dans vos bras. Près de la grève, souvenez-vous des voix de rêve, chantez pour nous, minutes brèves du cher passé, pas encore effacé. Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé dans vos bras. J'ai connu d'autres tangos à la ronde, mais mon cœur n'oubliera pas celui-là. Son souvenir me poursuit jour et nuit, et partout je ne pense qu'à lui, car il m'a fait connaître l'amour pour toujours. Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé dans vos bras. Et on retrouve notre ami qu'on avait perdu tout à l'heure, on retrouve notre ami Jacques Baudouin. Grâce à cette fastueuse mise en scène, que ne renierait pas M. Cécile Billet de Mille lui-même, je vais essayer d'évoquer pour vous une émission qui s'appelle La Tribune de Paris, ou si vous préférez, La Tribune des journalistes parlementaires. Mais pour les personnes qui ne seraient pas tout à fait au courant, voici très brièvement de quoi il s'agit. Vous savez ou vous ne savez pas qu'on réunit plusieurs fois par semaine autour d'un micro des journalistes parlementaires qui viennent d'horizons politiques très différents. On jette à ces messieurs un petit sujet en pâture et tout le monde s'engueule en restant farouchement sur ses positions. Et ça fait rigoler la France entière. C'est un très bon sketch comique. Toutefois, les partis politiques qui détiennent ces journaux et ces journalistes, redoutant qu'un jour de la discussion jaillisse la lumière, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver, n'est-ce pas, ou craignant que leur propre rédacteur soit séduit par les arguments de l'adversaire, ce qui serait vraiment la fin des haricots, avec un Q majuscule, viennent de décider de n'envoyer désormais à la Tribune de Paris que des journalistes sourds comme des pots. Comme ça, pas de quiproquo, on n'est jamais trop prudent. Voici donc désormais comment les choses se présentent. On entend d'abord un indicatif musical à base de trompettes et d'hélicons. C'est pas un gros mot, c'est un instrument de musique, n'est-ce pas? Et tout de suite après, on entend la voix d'un speaker mâle, parce qu'il en reste encore tout de même quelques-uns, qui dit à peu près ceci. Tribune de Paris. Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour. Autour du micro sont réunis Pierre Connaughton de l'Aurore, Joseph Sourdingue du Figaro, Hyacinthe de Coldure de la Feuille du Monde et Eustache de Rouge de l'Humanité. Nous rappelons que les opinions qui ne sont pas émises au cours de cette tribune engagent la seule responsabilité de ceux qui les suppriment. Et la guerre éclate. Êtes-vous pour ou contre la loterie nationale ? Telle est, chers auditeurs, l'intéressante question que nous posons aujourd'hui à notre équipe de journalistes parlementaires. La parole est à Joseph Sourdingue du Figaro. Hein? Comment dites-vous, cher ami? Je dis que vous avez la parole. Ah oui, oui, en effet, oui. C'est très drôle. C'est très amusant. Vous n'avez rien compris, mon vieux. Je vous ai donné la parole. Ah bon? Ben bon. Mais c'est très généreux de votre part. Et qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Je vous demande si vous êtes pour ou contre la loterie nationale. Ah bon? Mais c'est pas la peine de crier comme ça. Je vous entends très bien. Mais vous savez, je ne vous cacherai pas plus longtemps que je suis pour, n'est-ce pas? Absolument pour la loterie nationale. J'espère d'ailleurs que tous ces messieurs l'entendent de cette oreille. Pierre Connaughton? Je regrette de devoir vous contredire, mon cher sourdingue, mais je ne suis pas d'accord. Moi, je suis pour la loterie nationale. Coldur de la Feuille? Comment? Êtes-vous pour ou contre la loterie nationale? Je ne sais pas, je n'en ai jamais mangé. Eustache de Rouge? C'est pas vrai! C'est faux! Vous mentez! La régie nationale, contrairement aux allégations d'un groupe de Wall Street! Non, non, non, non. La loterie nationale. Silence, la réaction! La régie nationale? Non, la loterie nationale. Ah ouais? Oh, bah, si vous voulez, c'est pareil, alors. Moi, j'en suis partisan, moi, de la loterie nationale. Oui. En tout cas, il est indéniable. Oh, pour une fois, monsieur Sourdingue est de mon avis. Ah, pas du tout. Pas du tout. Moi, j'en suis partisan. Ouais, eh ben, tant pis, parce que moi, je suis pour. Et puis, je ne ferai jamais partie des contre. Vous m'entendez jamais. D'abord, je vous le demande, est-ce que j'ai une tête de contre? La question n'est pas là, d'ailleurs. Connaughton, qu'en pensez-vous? Eh bien, moi, je pense que la loterie est une institution charitable, puisque, bien souvent, n'est-ce pas, des lots sont distribués à des gens qui bouffent de la vache enragée. Ce n'est pas drôle, la vache enragée. Je ne sais pas, je n'en ai jamais mangé. Allez-y, sourdingue, vous avez la parole. Oui, qu'est-ce que vous l'avez dit? Non, je dis, vous avez la parole. Oui, oui, puis je me demande où j'ai bien pu l'attraper. Je le sais, moi, sur le dos du prolétariat. Ah, pas du tout, c'était sur la Côte d'Azur, alors, vous voyez. Connaughton, vous disiez... Je disais, ce qui est intéressant dans les loteries, c'est son côté charitable, car il faut aimer son prochain. N'est-ce pas que le dire? Je ne sais pas, je n'en ai jamais mangé. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était très efficace. Ouais, non. Et la pénicilline? Alors. De toute façon, les femmes, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, mon cher Eustache de Saint-Pierre. Comment vous m'appelez, vous? Hein? Oh, pardon, excusez-moi. C'est idiot, je me trompe d'Eustache. Foutez-lui la paix à ma trompe d'Eustache. Elle vous a rien fait. Alors vous disiez... Ah ben, je disais, n'est-ce pas? Une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce que rapporte la loterie à l'État, c'est autant de moins que nous aurons à payer comme impôt. Comme impôt? Comme impôt? Vous n'êtes pas regardé, vous êtes encore plus sourd que moi. J'ai fini de vous payer ma tête. Je ne sais pas, je n'en ai jamais mangé. Une chose est certaine, n'est-ce pas? La loterie développe chez les Français un curieux esprit de sacrifice. Ah oui? Qu'entendez-vous par là? Ce que j'entends par là? Oui. Un peu mieux du côté droit. Et vous? Quentin, ne faites pas la sourde oreille, expliquez-vous. Eh bien, mais moi, je connais certains Français, n'est-ce pas? Qui, pour mettre toutes les chances de gagner de leur côté, font exprès de marcher dans la crotte. Vous vous rendez compte? Dans la crotte. Je ne sais pas, je n'en ai jamais marché. Ce que vous dites est très juste, mon cher Connaughton. Les gens connaissent même certains qui acceptent de gaieté de cœur qu'on les fasse cocu. Et après, il n'y a pas de son métier. Mais non, je disais cocu. Cocu vous-même. C'est excellent, monsieur, surtout avec des petites saucisses. C'est... Vous en prie, messieurs, revenons au sujet, s'il vous plaît, voulez-vous? Sujet? Je vais vous dire, reculez-moi le sujet. Dans cette époque d'égoïsme et de capitalisme, la loterie est la seule institution nationale qui met le capital à la portée des moins laborieuses. Par conséquent, il faut la garder. Ah, c'est long. Je regrette de ne pas vous contredire, mais on n'y touchera pas. On la gardera. Mais pas du tout. Il ne faut pas la supprimer, alors, voyons. C'est vous qu'il faudrait supprimer. En tout cas, s'il y avait une loterie des imbéciles, mon cher Eustache de Rouge, vous auriez sûrement le gros lot. Ah, quand même. Vous en convenez. Vous êtes envoyé. Et vous, une peau de vache. Et vous, une andouille. Je ne sais pas, je n'en ai jamais mangé. Assez, messieurs, assez. D'ailleurs... Je crois qu'il est grand temps de tirer la conclusion de cet aimable débat. Alors nous allons demander à monsieur Coldur de la Feuille de bien vouloir la tirer. Cette conclusion, bien entendu, Coldur, qu'en pensez-vous? Je pense que c'est positivement effarant, n'est-ce pas? Voilà plus d'un quart d'heure que nous discutons boustifaï et gueuleton, n'est-ce pas? Alors que nous aurions très bien pu aborder un sujet plus intéressant et plus général. Je ne sais pas, mais que diriez-vous par exemple du... Ou plutôt non, tenez, de la... De la loterie nationale. Sort de chez lui sur le trottoir en face de la maison, il rencontre sa tante qui lui fait « Comment vas-tu, mon chéri ?»« Bah, ça va doucement, quoi, ça... Ça bricole, quoi, ça... Ça boulotte, hein, c'est pas le plein boum, vous savez, il y a comme un marasme, enfin, ça va boulot. » »« Oui, ben voilà, je pense. Pas... Et l'école ?»« Ouh, ça !»« Une communication téléphonique. » Oui, mais enfin, toi, personnellement, tu es content ? Bah, je suis content. Voilà, on va donc écouter maintenant La bourrée de la Marianne par Sébastien Perrin. Ça va changer un petit peu. Ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Saint-Pierre, il est si abémi, le regardait d'un air attendri. Sans chemise, sans pantalon, fiancé ce soir, nous allons danser. Sans chemise, sans pantalon, ce soir, nous allons danser. Sans chemise, sans pantalon. Les femmes qui trompaient leur mari, on les promenait autant jadis. Sans chemise, sans pantalon. Tu revêtes aujourd'hui, quelle procession de femmes au pays. Sans chemise, sans pantalon, aïe aïe aïe. Ce soir, nous allons danser. Sans chemise, sans pantalon. Ce soir, nous allons danser. Sans chemise, sans pantalon. Hey. Eh bien, on continue quelques instants avec la compagnie créole. Elle a chamboulé toute la maison, enlevé les meubles du salon. Elle a roulé le beau tapis et d'un air mignon nous a dit ce soir. C'est ma boue, c'est ma folie, c'est ma toute première big party. Platine, c'est chante favori. Ma voix casse avec la cour. Christine qui m'appelait tout à l'heure, j'ai malheureusement, je n'ai pas sur YouTube, c'est-à-dire Internet, je n'ai pas les deux morceaux qu'on m'a demandé. J'ai juste un extrait, La fille qui pleurait, mais ça dure 45 secondes, je n'ai pas diffusé ça. Le plus simple, c'est que je regarde chez moi, j'en ai pas mal de Manu Blanchet, et je vous passerai ça samedi. Si je trouve, bien entendu, mais je pense que Santa Maria, j'ai beaucoup plus de chance. Enfin, on verra, l'un ou l'autre. Mais sur YouTube, c'est pas de ma faute, je suis pour rien. 45 secondes, je ne vais pas passer ça. Hein. Avec mes excuses. Je continue avec la musique, bien sûr, et ce sera Henri Capdeville. Henri Capdeville nous interprète quelques morceaux que vous connaissez, mais c'est en medley. C'est à Benoît Nortier, maintenant autre accordéoniste, la corrida de l'accordéon. pas ça d'abord. Écoutez un bon morceau, « Oh mon papa », par Jean-Marc Delorme. Écoutez, c'est joli. classique du Musette, la valse des As, Benoît Nortier. Chanteur, c'est quand le dire il est doué. Excusez du mot. Jeu de mots. Le bateau espagnol. J'étais un grand bateau descendant la Garonne, farci de contrebande et bourré d'espagnols. Les gens qui regardaient saluaient la Madone que j'avais attachée en poupée par le col. Un jour je m'en irai très loin en Amérique, donner des tonnes d'or aux nègres du coton. Je serai le bateau pensant et prophétique, et Bordeaux croulera sous mes vastes pontons. Qu'il est long le chemin d'Amérique, qu'il est long le chemin. Le bonheur, ça vient toujours après la peine. T'en fais pas, mon ami, je reviendrai. Puisque les voyages forment la jeunesse, t'en fais pas. Rassasié d'or ancien, ployant sous les tropiques, un jour m'en reviendrai les voiles en avant, porteur de blé nouveau avec mes coups de trique. Tout seul, meilleur camarade, je violerai le vent. Arnaché d'Espagnol, remontant la Garonne, je rentrerai chez nous éclatant de lueur. Les gens s'écarteront, saluant la Madone. me parle quand elle est d'une autre couleur. Qu'il est doux le chemin de l'Espagne, qu'il est doux le chemin du retour. Le bonheur, ça vient toujours après la peine. T'en fais pas, mon ami, je reviendrai. Puisque les voyages forment la jeunesse, je te dirai, mon ami, à ton tour. Un petit coup d'accordéon avec Jean-Claude Labouchet sur le chemin du bal. S'en vont les midinettes en chantant leurs belles chansonnettes, tendrement yeux dans les yeux. On va rire et danser toute la nuit, les tout derniers succès de Paris, sous les jolies boules de cristal, avec les petites reines du bal. Écoute maintenant les chanteuses René Lebas, le doux caboulot. Arc-en-ciel, la radio 100% différente. 100% différente. Pour votre plaisir. Right. Lune et la fondeuse amoureux, épris du culte de même, assure que l'on s'aime et que regrette rien. Le doux caboulot à chacune, l'une et la fondeuse amoureux, épris du culte de même, assure que l'on s'aime et que l'on est gris. pour que Jeanne et Pierre ne regrettent rien. Le doux caboulot. Ah, je crois qu'on a un petit problème d'internet. Ah, décidément, il y a des jours où il n'y a pas de chance. Hein. Jamais aucun amour ne m'a causé plus de tourments, mais voilà bien ma récompense d'avoir pu croire en... L'orgue des amoureux. René Lebas. Il a suffi d'une aventure plus que banale en vérité pour qu'un beau soir, sans hésiter, il obéit à sa nature. Je ne l'avais pas mérité. Je ne l'avais pas mérité. Je t'ai donné mon cœur, je t'ai donné ma vie et mon âme ravie. Malgré ton air moqueur, reprenons tout son cœur, est à toi pour la vie. Que pouvons-nous contre nous-mêmes? Chacun de nous suit son chemin, c'est le sort de tous les humains. Je crois qu'aujourd'hui, c'est pas la peine d'insister, je sais. Je passais le changement de temps, mais ça. Il y a des jours comme ça que ça va pas du tout. Eh bien, on va écouter Henri Capdeville, puisque c'est ainsi, Fleur de Musette. Mario, maintenant, nous interprète un petit bal perdu. « Un petit bal perdu résonne dans ma tête. Il me parle de toi, te souviens-tu de nous deux? Je me rappelle encore, mon Dieu, que c'était bête. Tu dansais dans mes bras et nous étions heureux. L'accordéon ne jouera plus ce petit air des balles perdues. Un petit bal perdu résonne dans ma tête. Au milieu des flonflons, tu me parlais tout bas. Tu me parlais d'amour, je t'appelais Violette. Et depuis ce dimanche, je ne te revis pas. L'accordéon ne jouera plus ce petit air du bal perdu. Il y a toujours un garçon, une fille au désespoir. Elle appelle et il l'entend pas. Il voit qu'elle, mais elle ne le voit pas. On en a fait des films et des tragédies. Du rock et du spleen. Mélodie qu'on entend partout. I need you baby. I need you baby. Baby yes I do. C'est toujours, toujours qui rime avec toi. C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les yeux, plein les oreilles. J'étais sergent dans l'infanterie. Et moi, on s'est mariés, c'était le mois de mai. Quand on m'a parachuté sur un village français. La guerre, Jeannette, je l'ai raconté. Mais tant que j'ai toujours gardé les vaches rouges, blanches et noires.

te danser ce soir à la guinguette. Allez, à toi de jouer tes jolies chansonnettes. Tire sur ton soufflet et on va tous bien s'amuser. Ce soir à la guinguette, allez, à toi de jouer tes jolies chansonnettes. Tire sur ton soufflet et on va tous bien s'amuser. On va écouter maintenant Hugo Frey. Hugo Frey qui vient de fêter, je crois, ses 91 ans. Et toujours frais, c'est pas un jeu de mots. Hugo Frey. C'est un fameux trois marins comme un oiseau qui s'est haut, comme qui a un autre, 10 400 d'euros. Je suis fier d'y être matelot. Pratiquement jamais sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Stéphanie de Monaco. Pour un grand temps. Thank you. petite annonce. Entreprise Alberto Coelho recherche personne polyvalente pour effectuer tous travaux de maçonnerie, peinture, menuiserie, carrelage et placo. Avec permis de conduire, poste libre de suite, contactez le 06 75 60 59 65. Je répète, 06 75 60 59 65. Et on écoute maintenant, on va s'aimer, Gilbert Montagné. As the wind blows, as free as the grass. On va s'aimer à toucher le ciel, se séparer à brûler nos ailes, se retrouver comme les hirondelles. On va s'aimer tellement tu es belle. On va jeter les clés de ta maison. On va rêver à d'autres saisons. On va quitter ces murs de prison. On va s'aimer sur une étoile ou sur un oreiller, au fond d'un train. C'est un bon moment quand même, malgré les petits soucis techniques, ce sont des choses qui arrivent. Dans tous les métiers, il y a des petits problèmes. Je ne sais pas si Francky va venir, j'espère que oui. En attendant, je vous laisse en compagnie de RDP International en direct du Portugal. Et on se retrouve dimanche à partir de 13h pour l'accordéon de nos régions et l'accordéon musette. Je vous souhaite d'ores et déjà une bonne soirée. Pour ceux qui rentrent de vacances, bien, un bon courage. À dimanche donc. Je ne vous dis pas au revoir, mais à bientôt, si nous nous quittons ce soir, un peu trop tôt, il y aura d'autres musiques, d'autres bals, d'autres soirs de gala, on aura des bonjours et des bonsoirs. Je ne vous dis pas. Alors, j'ai la confirmation dans quelques. Mais à bientôt. Quelques minutes, dans une demi-heure, vous retrouverez Francky. Si nous nous. After. After. Un peu trop tôt. Ou After Job, c'est comme on veut. Tôt. Je ne vous dis pas au revoir. Mais à bientôt, si nous nous quittons ce soir, un peu trop tôt, il y aura d'autres dimanches, d'autres joies, d'autres chansons d'amour, des javas et des nuits blanches, des départs et des retours. Je ne vous dis pas au revoir, mais à bientôt, et nous nous quittons ce soir, un peu trop tôt, un peu trop tôt, la la la la la la, au revoir et à para esta noite. Castelo Branco, Lisboa, 18 graus, 17 para Viseu e Guarda, 16 para Aveiro, Vila Real e Penhas Douradas, 15 para Coimbra, Viana do Castelo e Porto, 14 graus para Braga e 13 para Bragança.